Acteur, s'il faut un petit fun télé. Pour vendre un peu de disques, il faut un clip en télé. On est des dealers, cousins, ça s'est inscrit dans le CV. Un cric dans le pélé, pélé, on prend du shit sans payer. Hey, hey. On est les fils de Jack Mess, un polo Lacoste et un Levis de Barbès. On fait les fils de ta caisse, on rêve de billes de money. Comme les types de chaque test, là il est mort, on pèse avec les filles de Bonnie. Comportement à la hit, ni baiser ni racli. La pension ça coûte cher, l'IVG c'est gratuit. Ça parle de bing bang pour une part de beefsteak. Même les tapettes retrouvent leurs couilles avec un rail de zipette. Dans chaque check c'est la hess. Mais c'est plus fort que nous, on peut pas quitter la tête. C'est remix de Jack Mess avec Roux, Chipotes, Lino, Medine, Salif et 7 Gex. Flex, flex. Dans chaque check c'est la hess. Mais c'est plus fort que nous, on peut pas quitter la tête. C'est le remix de Jack Mess avec Roux, Chipotes, Lino, Salif, Medine et 7 Gex. C'est les Gex. Presse-toi de vider la caisse, de monter le volume, passer grosse caisse, la mèche, la prend pas, je l'allume, héritier de Jack Mess, tard des coins salut, le flingue dit la messe, ma main gauche te fait les bosses, la droite te salue, comme les promesses on tient mal, c'est la lutte entre la bite et la tête, coincé entre le béton et la lune, j'en pas faire kiffer ta nièce, rap pour les fauves qui ont besoin de mort, vaccin enroulé dans la lune, pour apaiser l'instinct de mort, garde le cap vers le nord, c'est le groupe des ennemis publics, j'la fais danser à poil, ma vérité sera jamais pudique, 95 plus pas le rap, du sang à couler sous les ponts, j'suis bloqué entre marche ou crève et court plus vite que les plombs. Tu veux ressembler à Mesrine, nous casse pas les couilles. Fais-toi la barbe à ces guécrons, fais-toi canner à client court. Ressembler à Roots, tu dépasses pas, c'est les bornes. T'es pas aussi beau, that's impossible. Tout n'est pas bon, ni cave chez les stars du banditisme. Les dingueries et les cric-cric en font son prix. Les guns sont black, la coque est blanche, oui. D'après ma prof d'art plastique, ça donne des cadavres gris. Ta poète, le parrain des bracos, t'es pas à l'abri de faire carotter ta go par un bourrico ou un grotte. Ça découvre le hype, ça vend le sexe. En 2027, y'aura des drive-by en poussette. Dans chaque check, c'est la hess. Mais c'est plus fort que nous, on peut pas quitter la tête. C'est remix de Jack Mess avec Roux, Chipotes, Lino, Medine, Salif et 7 Gex. Flex, flex. Dans chaque check, c'est la hess. Mais c'est plus fort que nous, on peut pas quitter la tête. C'est le remix de Jack Mess avec Roux, Chipotes, Lino, Salif. Medine et 7 Gex. Oh les mains, pot de catin, ça fait splix, blax, blex. J'suis pas venu faire câlin au qui, quoi, qu'est-ce. Pour les espèces et les histoires, sexe. J'ai la bouche qui souffle comme un tir, ouah, qu'est-ce. On est les fils, capole les fils, Jack Mess. Fais-toi un rail avec mes cendres, un cercueil c'est trop triste. Ta dresse, si t'as mis ta cagoule sur ton sexe, ou t'as mis la Dex. Mes rimes sont gitanesques, voix abracadabrante. Trouve ta planque, sois pas branque, braque ta branche. Poulox, poulox, j'veux tout le monde à plein ventre. C'est les lex, c'est un cagoulox. J'arrive tête dans la bouche, barbe de manouche. Tu peux pas faire plus dangereuse. Tiens-moi dans les choux ou bute-moi sous la douche. Mon couche t'évitera pas le morphing de mes trines et ma soupe. Tous très l'OAS sur l'ascar et ses 10 bars. On fera tilt à toutes les 10 bars à 10 bars. Moi j'ai l'histoire et le savoir dans mon porte-flingue. Je suis le bave des banlieues pour qu'elle porte plainte. On arrive à 5, découper le beat à 7. Avec des coupés décuplés pour les pics à 7. Y'a pas à tortiller du rasa pour marcher droit. Je scelle aux fans mes faces et envoie ça sur le marché noir. Dans chaque check c'est la hess. Mais c'est plus fort que nous, on peut pas quitter la tête. C'est remix de Jack Mess avec Roux, Chipotes, Lino, Medine, Salif et 7 Gex. Flex, flex. Dans chaque check c'est la hess. Mais c'est plus fort que nous, on peut pas quitter la tête. C'est le remix de Jack Mess avec Roux, Chipotes, Lino, Salif, Medine et 7 Gex. C'est les Gex.